Votre émission en balado débutera après ce court message publicitaire. Ici Radio-Canada Première. Les balados sont écoutés par des personnes dynamiques, ouvertes d'esprit, qui savent à chaque moment ce qu'elles veulent. Tout comme vous, les employés du cabinet comptable Mallette les écoutent. Venez vous joindre à nous, comme clients, comme employés. Vous savez comment nous trouver. Mallette comptable. Votre émission en balado débute dans 3, 2, 1... Ici Jacques Beauchamp. Aujourd'hui, l'histoire Ronald Reagan et l'affaire Iran-Contra. We did not, repeat, did not trade weapons or anything else for hostages, nor will we. Le président Ronald Reagan est catégorique quand il s'adresse aux Américains à la télévision le 13 novembre 1986, 10 jours après l'éclatement de l'affaire Iran-Contra. Les États-Unis n'ont pas échangé et n'échangeront jamais d'armes contre la libération d'otages américains. Malgré la fermeté du président ce soir-là, il sera forcé d'admettre dès l'année suivante qu'il y a bien eu vente d'armes à l'Iran par les Américains en échange de la libération d'otages au Liban et que l'argent tiré de ces ventes d'armes a servi à financer le mouvement Contra qui opposé à l'époque au gouvernement socialiste de Daniel Ortega au Nicaragua. You've testified that you shredded documents. Vous avez attesté que vous aviez déchiqueté des documents après avoir appris du directeur Casey que Furmark avait dit que l'argent provenant de la vente d'armes aux Iraniens était utilisé au profit des Contras. Ma question est, avez-vous ou n'avez-vous pas déchiqueté des documents qui reflétaient l'approbation présidentielle à ce détournement? I have absolutely no recollection of destroying any document. Je n'ai absolument aucun souvenir d'avoir détruit des documents qui laisseraient supposer que le président les aurait vus ou approuvés spécifiquement. J'ai présumé que les trois transactions que j'ai supervisées, organisées ou coordonnées, peu importe le terme que vous utiliserez, je suis à l'aise avec les trois, avaient été approuvées par le président. Mais je ne me souviens pas d'un seul document qui aurait pu laisser croire que le président avait approuvé cette action spécifiquement. Le lieutenant-colonel Oliver North, qui répondait aux questions de l'avocat John Neils lors des travaux de la commission mixte du Congrès américain sur cette affaire Iran-Contra en juillet 1987, extrêmement intéressant parce que déjà, il pose tout ce problème de la responsabilité réelle du président Reagan dans cette affaire. Pour nous raconter cette saga politique de l'affaire Iran-Contra, je reçois Karine Prémont, qui est professeure à l'École de politique appliquée de l'Université de Sherbrooke. Karine Prémont, bonjour. Bonjour. Quelle importance a eu cette affaire-là dans l'histoire politique l'histoire politique des États-Unis au 20e siècle, quelle place ça occupe, l'affaire Iran-Contra? Une place très importante parce que l'affaire Iran-Contra, c'est vraiment le scandale politique le plus important depuis le Watergate dans les années 70. Alors effectivement, les comparaisons vont fuser entre ces deux scandales-là et on va beaucoup scruter le travail du président justement pour essayer de voir s'il y a ce comportement criminel qu'on avait retrouvé chez Nixon. Alors ça demeure un événement central de la présidence de Reagan, mais aussi de ses présidences contemporaines depuis le Watergate. Ça commence en 86, cette affaire-là. C'est un journal libanais qui d'abord révèle l'affaire de l'Iran-Contra. Et ça va vite devenir un scandale. De quelle nature est le scandale, Karine Prémont? L'importance de ce scandale-là est particulière parce que c'est un scandale double, d'une certaine façon. D'abord, la vente d'armes à un des plus importants ennemis des États-Unis, l'Iran. À ce moment-là, les États-Unis et l'Iran sont en conflit presque ouvert. Donc, en échange d'otages américains qui sont détenus au Liban par le Hezbollah. Donc, on sait que l'Iran réussit à parler au Hezbollah. Donc, cet échange vente pour otages est tout à fait contraire aux pratiques américaines. On a entendu Reagan le dire. Donc, on ne négocie pas avec les terroristes. On n'arme pas nos ennemis non plus, idéalement. Donc déjà, il y a cet aspect-là qui est particulier. Mais ce qui se rajoute à ça, c'est l'idée des sommes récoltées par cette vente d'armes qu'on va investir dans un fonds secret dans lequel on pourra piger et avec lequel on va financer la Contra. Ça, c'est contraire au droit international d'abord, mais aussi contraire aux lois américaines parce que le Congrès avait voté les amendements Boland en 1982 qui empêchaient ce genre de tractation de la part de l'administration. On vous écoute puis on se dit, mais qu'est-ce qu'ils ont pensé? Comment on en arrive à s'engager dans une pareille affaire? Bien, ça commence avec l'enlèvement des otages. En décembre 83, 6 Américains seront enlevés au Liban. On se rappelle qu'en 1982, les États-Unis sont intervenus militairement au Liban. Donc, il y a des Américains qui sont sur place. Il y a des Français aussi qui seront pris en otage au même moment. Donc, à Beyrouth, des otages américains sont capturés par le Hezbollah. Et le chef de la CIA à Beyrouth, William Buckley, lui, sera enlevé plus tard en mars 84. Donc, le Hezbollah détient des otages américains et demande évidemment rançon, c'est-à-dire échange contre des prisonniers que détiennent les Américains. Et Reagan refuse. Sauf qu'il est très affecté, très ému par la situation des otages. D'abord parce qu'il se rappelle une situation semblable. En 1979, c'est la crise des otages de Téhéran. Ouais. Et on se rappelle que Jimmy Carter a joué sa présidence là-dessus. Et c'est Reagan qui a réussi à dénouer la situation quelques mois plus tard. Donc, il voulait absolument éviter la reproduction d'une telle situation. Il ne voulait pas se retrouver dans le même sort que Jimmy Carter d'abord. Et il y avait aussi de fortes présomptions selon lesquelles Buckley serait torturé. Alors, on voulait rapatrier rapidement ce chef de la CIA. Il va finir par mourir en captivité en 86, mais en 85, mais on voulait rapatrier de façon urgente M. Buckley. Et ça, on le sait. Évidemment, dans l'entourage de Reagan, ça se sait que le président est préoccupé par cette situation-là, ce qui fait qu'on va commencer à organiser, échafauder ce plan-là. Qui gravite autour du plan derrière l'affaire Iran-Contra? Essentiellement, les membres du National Security Council, le NSC américain, là où se décide, s'élabore la politique étrangère américaine. Donc, d'abord, ces gens-là vont concocter un plan pour libérer les otages et ce sera le conseiller à la sécurité nationale qui est en charge de coordonner cet organe-là, Robert McFarlane, qui va être l'auteur principal de ce plan-là. D'abord, McFarlane, ce qu'il voulait être dans la vie, c'était le Henry Kissinger de son époque. Il voulait réussir à rapprocher les États-Unis et l'Iran pour ramener l'influence américaine au Moyen-Orient. Alors, il s'est dit, ben voilà peut-être une occasion d'effectuer ce rapprochement-là, un peu à l'image de ce qu'avait fait Kissinger avec la Chine, par exemple. Donc, c'est lui qui va être l'artisan principal de ce plan-là. Et son successeur aussi, Poindexter, John Poindexter, qui va lui succéder, qui n'a aucun flair, aucune expérience politique, qui va se contenter de suivre la procédure déjà établie. Ce sera un joueur important aussi. Et surtout, celui qu'on a entendu, Oliver North, qui est lieutenant-colonel, qui est membre du NSC, ce sera l'exécutant principal de ce plan-là. Il sera surtout en charge de la partie contrat de cette affaire. Et finalement, William Casey, qui est directeur de la CIA, qui lui endossait tous les objectifs de libération des otages, mais était surtout intéressé par le retour de Buckley, parce qu'il craignait que Buckley ne révèle le nom sous la torture des autres agents de la CIA installés partout au Moyen-Orient. Ouais. Casey va mourir avant la fin de l'affaire, alors ça va régler les choses pour lui, pardon. Mais ce sont essentiellement les principaux joueurs de cette affaire. Et comment s'organise concrètement cette vente d'armes par les Américains à l'Iran? C'est très compliqué parce que tout ça doit être fait en secret avec des alliés, des ennemis. Tout ça est très, très complexe. Et là, on résume en plus tout ça, là, mais essentiellement, McFarlane va aller voir Ronald Reagan alors qu'il est à l'hôpital. Il subit une opération en juillet 85, une opération, je crois, pour un cancer. McFarlane va aller le voir. Il va lui dire, vous voulez libérer les otages, j'ai un plan. On va essayer de voir avec l'Iran. Je suis en contact avec des modérés iraniens qui peuvent peut-être nous aider à libérer les otages. On lui en dit pas plus, sauf qu'on va envoyer du matériel anti-char en Iran en échange des otages. Et Reagan dit, c'est très bien, faites le nécessaire. Et c'est là où s'arrête, je vous dirais, la connaissance de Reagan concernant ce plan-là. Et c'est comme ça que, rapidement, on va mettre en place des rencontres entre ces fameux modérés iraniens qu'on va faire rencontrer avec les officiels américains. McFarlane va aller à Téhéran, en fait, pour les rencontrer et mettre en place un peu tout ce plan-là. Et on va faire entrer en scène Israël également. On va dire que ça nous prend un intermédiaire pour livrer les armes, pour réussir à conclure ces échanges-là. Israël va d'abord jouer un rôle double aussi, dans la mesure où Israël va mettre les Iraniens modérés en contact avec les officiels américains. Donc, c'est Israël qui va dire, nous connaissons des Iraniens modérés avec qui vous pouvez parler, qui peuvent vous aider à libérer les otages. Et ensuite, c'est aussi Israël qui va mettre les bénéfices de la vente d'armes dans un compte privé dans lequel Oliver North pourra ensuite piger pour financer la contra. Donc ça, c'est pour ce qui est de la vente d'armes et ça va commencer. Donc, je le rappelle, l'objectif, c'est on vous vend des armes en échange de la libération d'otages. Et ça ne se passe pas tout à fait comme ça, en réalité, parce qu'on va impliquer d'autres intermédiaires, notamment un monsieur Ghorbanifar, qui est un trafiquant d'armes, qui est ami du premier ministre iranien et qui va servir d'entremetteur aussi, d'une certaine façon. C'est lui qui va aller porter les armes, c'est lui qui va récupérer l'argent en se prenant une bonne cote là-dessus. Et donc, les transactions vont commencer au mois d'août 1985. Donc, première livraison d'armes, des missiles Tau. Aucun otage, ne sera libéré à ce moment-là. Mais on continue quand même à livrer des armes. Une deuxième livraison en septembre, d'autres missiles. un otage sera libéré, le missionnaire Benjamin Weir. Et en novembre 85, on continue, une autre livraison de missiles, aucun otage libéré. Et là, les Iraniens commencent à dire, bon, la qualité des armes, on n'est pas très satisfait. Le prix nous semble élevé parce qu'effectivement, Israël se prend une cote. Gorbanifar se prend une cote aussi. Alors, l'Iran commence à dire, ça devient un peu cher, cette affaire-là. Alors, on trouve une façon, autrement dit, de retarder la libération des otages jusqu'à temps que McFarlane, finalement, démissionne en décembre 85. Pour toutes sortes de raisons, notamment certaines mésententes au sein de l'administration Reagan. Il ne s'entend pas très bien avec le chef de cabinet Don Reagan. Mais il va continuer à servir d'intermédiaire de façon officieuse. Il va continuer à se rendre à Téhéran à quelques occasions pour faire pression sur ses contacts, pour dire, écoutez, on vous envoie des armes, mais il n'y a pas grand-chose d'autre qui se passe. Là, on a des sous, mais on n'a pas d'otages. Nous, c'est ça qu'on veut. On va décider de tasser l'intermédiaire pour qu'il y ait un contact plus direct. Au total, qu'est-ce que ça donne? Sur les 6 otages qui sont à Beyrouth, les 6 otages américains, combien vont être libérés? 3. Trois. Trois seront libérés. Et ce n'est pas du tout ce qui était prévu à l'époque dans le plan. Il y a l'autre volet dont on va parler maintenant, parce que ça liquide, si je puis dire, la section vente d'armes. Oui. Mais là, on entre dans l'aspect contrat. L'argent tiré de cette vente d'armes, ça fera partie du scandale aussi, va servir à financer ce mouvement, la contrat qui s'oppose au gouvernement socialiste de Daniel Ortega au Nicaragua. Oui. Qui a cette brillante idée-là, Karine Prémont? C'est Oliver North qui a cette idée et qui dit, bien, puisqu'on a les sous, essayons justement de faire d'une pierre deux coups et essayons de faire renverser ce gouvernement sandiniste. Il y a déjà un groupe de contre-révolutionnaires au Nicaragua qu'on a déjà aidé parce que depuis 1981, depuis l'arrivée en poste, en fait, de Reagan, l'administration appuie la Contra de différentes façons, jusqu'à temps que les amendements Bolin, comme on le disait tantôt, en 82, vont mettre un frein à ça. Mm-hmm. C'est une série de 3 amendements, en fait, entre 82 et 84, parce que le Congrès apprend à ce moment-là que la CIA organise des actions de sabotage au Nicaragua, ce qui est tout à fait illégal par ailleurs. Mais dans la tradition. Mais dans la tradition à cette époque-là, effectivement. De la dite organisation, oui. Et donc, les amendements Bolin, et ça, c'est important, vont interdire au département d'État et à toute autre agence gouvernementale de financer ou de fournir de l'aide militaire à la Contra. Et Oliver North va dire que cela ne tienne. Faisons en sorte que ce soit le NSC qui s'occupe de ça. C'est pas vraiment une agence gouvernementale visée par les amendements Bolin. Alors, on n'est pas touché par ça. Et c'est de cette façon-là que c'est le NSC, le département de politique étrangère du président, si je peux m'exprimer ainsi, qui va être en charge de ce geste illégal et du contournement des amendements Bolin. On revient à la responsabilité de Ronald Reagan. On l'a laissé se reposer un peu depuis le début de l'émission, mais ça reste la grande question. Qu'est-ce qu'il savait? Ultimement, c'est lui, le président. C'est lui, donc, qui est responsable de tout ce que fait son administration. On l'écoute à nouveau, plus longuement, lors de ce fameux discours, le premier, le discours télévisé du 13 novembre 1986. Un an plus tard, il va admettre que, oui, tout ça s'est fait, mais voici la position officielle du président en novembre 1986, 10 jours après l'éclatement de l'affaire. Tout de suite après, vous allez entendre Oliver North à l'émission Scully Rencontre, le 14 septembre 97. To summarize, our government has a firm policy not to capitulate to terrorist demands. En résumé, notre gouvernement a une politique ferme et ne cédera pas aux demandes des terroristes. Cette politique sans concession reste en vigueur, malgré les spéculations et les fausses histoires d'échanges d'armes contre des otages. Nous n'avons pas négocié d'armes ou quoi que ce soit d'autre contre des otages. Those who think that we have gone soft on terrorism should take up the question with Colonel Gaddafi. Ceux qui croient que nous avons adouci notre politique face au terrorisme devraient poser la question au colonel Gaddafi. Nous n'avons jamais capitulé et nous ne capitulerons jamais face au terrorisme. Notre objectif est de rétablir les relations diplomatiques avec l'Iran, de mettre fin à la guerre dans la région, au terrorisme au Moyen-Orient et finalement libérer les otages au Liban. Comme je l'ai écrit dans mon livre et comme je l'ai dit au Congrès, j'étais prêt à mourir pour cet homme, mais je n'étais pas prêt à aller en prison pour lui. En réalité, je crois que ni l'un ni l'autre n'était nécessaire. Je crois fermement, encore aujourd'hui, que Ronald Reagan était au courant de tout ce qu'on m'avait demandé de faire, et j'étais convaincu à l'époque que Ronald Reagan était celui qui m'avait donné l'autorisation de faire ce que j'ai fait. Autrement, je ne l'aurais pas fait. Que savait donc Ronald Reagan dans cette affaire de l'Iran-Contra? En fait, on a pu déterminer après coup là, la suite des événements, la succession des événements et surtout la suite des informations que Reagan a reçues. Donc, on a déjà dit que Reagan avait appris à l'hôpital en juillet 85 qu'il y aurait une opération pour rapatrier les otages et que ça impliquait de vendre quelques matériels militaires à l'Iran en échange. Mais c'est le 25 novembre 86, donc quand même un an après ce premier feu vert, autrement dit, et quelques jours après l'éclatement du scandale, qu'il va apprendre la partie contrat, en fait, de l'échange avec l'Iran. Il va être complètement furieux, il va demander d'aller au fond des choses. Il va pousser Poindexter, évidemment, à la démission, il va congédier North. Et là, pendant un certain temps, on va le voir plutôt confus et perplexe devant les questions des journalistes, parce que, justement, il comprend pas bien l'ampleur de ce qui est en train de se passer. Et surtout, il ne croit pas que ces hommes ont pu faire une telle chose. Et il va d'ailleurs demander à John Tower, qui est chargé de la commission d'enquête, de lui confirmer les informations que les médias lui donnent. Ouais. Et Tawa va lui dire, ben voyons, on a les documents, tout ça s'est bel et bien passé. Et c'est à partir de ce moment-là là, qu'il va réaliser l'ampleur de la chose. Mais comme je vous dis, l'aspect Iran, ça, ça allait. C'est l'aspect contrat, en fait, qui l'ignorait à ce moment-là. Et l'extrait qu'on a entendu, qui date du 13 novembre 86, au moment où il s'adresse aux Américains en disant on a rien vendu à personne, à ce moment-là, en principe, il sait qu'il y a eu vente d'armes, mais il ne sait pas que l'argent a servi voilà. Au financement de la contrat. Et je pense qu'il ne sait pas non plus l'ampleur des transactions, parce qu'il dit dans cette conférence de presse-là, le matériel qu'on a envoyé à l'Iran, on pourrait entrer ça dans un petit avion cargo, là, c'est presque rien. Alors, il ne faut pas s'énerver avec ça. Mais il va apprendre plus tard que c'était plus important. Ouais. Et ce qui fait que, vous le disiez, il va être furieux, parce qu'il va se rendre compte qu'il s'est fait jouer dans le dos, passez-moi l'expression. Il va dire, donc, il nous faut une commission d'enquête, la commission Tower. Oui. À quelle conclusion va en arriver cette fameuse commission? Bien, la commission Tower va arriver à la conclusion qu'effectivement, là, il y a eu dysfonction au sein du National Security Council, qu'il y a eu des erreurs de fait par notamment McFarlane, Poindexter, Casey et Oliver North. Mais on va beaucoup imputer ces erreurs-là à l'absence de leadership du président. Ouais. Et les commissions d'enquête, les rapports du Sénat, du Congrès vont arriver à la même conclusion. Le président a la responsabilité de savoir ce qui se passe au sein de son administration et doit assumer la responsabilité de ce qui est fait en son nom également. Est-ce qu'il y a des gens qui vont, dans les conseillers, qui participent à cette mécanique de l'Iran contre, est-ce qu'il y en a qui vont être sanctionnés? En fait, 14 des conseillers de Reagan impliqués dans le scandale Iran-Contra seront accusés de mensonges, d'obstruction à la justice, de destruction de documents, parce qu'on l'a dit, Oliver North a détruit des centaines de documents, et de conspiration, seront accusés de conspiration aussi. Mais Poindexter et Oliver North, les principaux témoins de cette affaire-là, vont être acquittés en appel parce qu'ils bénéficient en principe de la protection du 5e amendement lors de leur témoignage devant la commission Tower. Alors, on a dû les acquitter par la suite. Et Caspar Weinberg, qui était secrétaire à la Défense, obtiendra le pardon du président Bush en 92, tout comme Robert McFarlane, d'ailleurs, qui obtiendra aussi le pardon présidentiel. Quel impact va avoir cette affaire-là sur le plan politique, sur la présidence de Ronald Reagan? On écoute Simon Durivage en discuter avec le journaliste américain Milton Vorst à l'émission Le Point du 26 février 1987. Pour ce qui est du président Reagan, dans ce rapport Tower, ce qu'on dit, c'est qu'il a été inconscient, ignorant par indifférence, par insouciance de ce qui se passait dans les sous-sol de la Maison-Blanche. Oui. Est-ce que ce n'est pas un jugement très grave sur la capacité de gouverner de M. Reagan, ça, par le passé et pour les deux prochaines années surtout? Ah oui, c'est sûr. Il nous reste encore 2 ans d'administration Reagan, on se demande ce qu'on va faire, parce qu'il paraît évident que, sinon pour des raisons physiques, sûrement pour des raisons morales, lui, il a perdu énormément de capacité de gouverner. Il n'a pas cette capacité d'attirer les gens, de répondre à la confiance qu'il avait avant. C'est sûrement un carrefour dans sa carrière. Carrefour dans sa carrière. En même temps, il est presque à la fin de son deuxième mandat, Ronald Reagan. Mais ça va avoir quoi comme impact sur sa présidence? Peut-être un petit peu sur le souvenir qu'on va garder de lui aussi, Karine Prémont. Mais en fait, ce qui va beaucoup aider Ronald Reagan et ce qui va contribuer à adoucir le souvenir, autrement dit, c'est que Ronald Reagan va reconnaître les faits. Il va s'adresser aux Américains en mars 87. Il va dire « Je vous ai induit en erreur dans mes discours précédents. J'ai pris connaissance des faits. Je m'excuse. Et je vous demande pardon, autrement dit. » Et c'est ça qui va faire la différence. Ses conseillers lui avaient dit « Si tu veux éviter le sort de Richard Nixon et du Watergate, tu dois faire ça. » Il le fera. Et ce discours-là va obtenir un taux d'approbation extraordinaire. Au-delà de 93 % évidemment, les Américains vont dire que c'était la chose à faire, on lui pardonne. Mm-hmm. Donc, dans l'imaginaire collectif, Reagan va garder cette image à peu près intacte. Et on le croit. On croit qu'il a été, au fond, qu'il est responsable, mais que c'est pas vraiment... qu'il a été un peu manipulé par son entourage. C'est un peu ça l'idée. Exactement, parce qu'on connaît déjà que le fait que Ronald Reagan ne s'implique pas tant que ça dans le processus décisionnel. Alors, on va croire facilement cette naïveté qu'il a et on va lui pardonner. Mais évidemment, ça va handicaper le développement de sa politique étrangère pendant un certain temps, mais le conseiller à la Sécurité nationale qui va succéder à Poindexter, Frank Carlucci, va ramener de l'ordre au sein du NSC et on aura une fin de deuxième mandat un peu plus tranquille. On termine cette émission en parlant d'un mystère, le mystère George Bush. Je parle évidemment de George Bush père, qui est vice-président à ce moment-là de Ronald Reagan. Il va réussir à s'en sortir indemne, non seulement à s'en sortir indemne, mais à profiter d'une certaine manière de cette affaire-là. Je vous propose d'écouter un reportage de Francine Bastien. Vous allez voir, c'est croustillant comme épisode. Reportage diffusé au téléjournal le 26 janvier 1988. This is the CBS Evening News. Dan... Le bulletin de nouvelles le plus écouté aux États-Unis. Dans une entrevue exclusive avec le vice-président et candidat à la présidence, George Bush, Dan Rather veut tirer au clair le rôle du vice-président dans le scandale Iran-Contras. Trou de mémoire de Bush. Irrité, Rather tient bon. Les insultes fusent, l'entrevue tourne au vinaigre. Jusqu'à ce que Rather y mette fin abruptement en demandant une conférence de presse. Are you willing to go to a news conference before the Iowa caucuses, answer questions from all comers? Since March, I gather that the answer is no. Thank you very much for being with us, Mr. Vice President. Le standard de CBS ne dérougit pas des milliers d'auditeurs outrés de la conduite de Rather. Okay, could you hold, please, sir? Au Wyoming, dans une campagne où ni le débat ni les candidats ne parviennent à faire l'événement et où il traîne dans les sondages derrière son concurrent Bob Dole, le vice-président était sans rancune envers Rather. Et pour cause, les organisateurs de la campagne Bush se frottent les mains. L'entrevue d'hier répare l'image de poule mouillée associée à George Bush. Elle pourrait même lui permettre de s'installer au premier rang dans les sondages, 13 jours avant les caucus de l'Iowa. Ça, c'est assez incroyable. Il va réussir, George Bush, à profiter de l'affaire de l'affaire Iran-Contras. Comment il réussit ce petit miracle, Karine Prémont? Et c'est assurément un miracle parce qu'on rappelle que George Bush, à cette époque-là, a une connaissance importante de la politique étrangère. Il est associé à toutes les décisions de politique étrangère. Et donc, forcément, on peut imaginer que celle-là aussi, il la connaît. Et il y a tout ce contexte de l'élection, justement, de l'élection présidentielle. Donc, il a probablement été épargné là, en raison de ça. Et on a vu le résultat que ça fait quand on le pousse dans ses derniers retranchements. Et donc, encore aujourd'hui, c'est un mystère parce qu'on ne sait pas à quel point il était impliqué, à quel point il a participé aux délibérations, mais il connaissait assurément ce qui est en train de se tramer. Et ce qui est particulier, c'est que quand il sera élu président, il va nommer Brent Scowcroft, qui était membre de la commission Tower, au poste de conseiller à la Sécurité nationale. Et il va même tenter de faire nommer John Tower, qui était le président de la commission, comme secrétaire à la Défense. Mais le Sénat va rejeter cette nomination-là pour des raisons liées à la personnalité de Tower et au scandale personnel dans lequel il est impliqué. Donc, en termes de paiement pour bon service, je vous dirais que c'est assez cousu de fil blanc, cette affaire. Ça en dit assez long, effectivement. Karine Prémont, professeure à l'École de politique appliquée de l'Université de Sherbrooke. Merci beaucoup, Karine. Merci. Si vous avez envie d'écouter ou de rattraper nos émissions, vous pouvez le faire sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire ou en vous abonnant à notre balado-diffusion. Ici Jacques Beauchamp, je vous dis à la prochaine.